France Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist, vous voulez crier votre amour pour un genre, le western. Oui Mathilde, parce que plus ça va et plus je pense que le western est la métaphore ultime pour parler de nous, l'Occident. Alors attention, quand je dis western, je parle pas de John Wayne ou des films avec des cow-boys qui ont les chicots, Jack Will la fripouille et qui mangent des flageolets autour d'un feu de camp. Hein. Je parle de la structure du western. Ces histoires de personnages perdus dans des territoires où la civilisation et les lois peinent à exister. Par exemple, Valérie Pécresse sur la ligne de métro numéro 13. Ou la série Last of Us qui m'éblouit un peu plus chaque semaine. Cet épisode 3 cette semaine, j'ai pleuré comme Gabriel Attal un jour de manif. Donc, Last of Us, c'est un duo qui fait un road trip flingue à la ceinture dans un territoire hostile où les lois ne s'appliquent plus. Eh bien, c'est un western. Avatar, des Indiens qui cherchent à résister à des colonisateurs surarmés. Un western. Mad Max, c'est un western post-apocalyptique. Le Mandalorien, un western. Back North, un western. Réac, mais un western. Tout peut faire western. Et c'est pour cela que ce matin, vous évoquez une bande dessinée. Oui, mon petit coup de cœur BD à moi que j'aurais aimé voir récompensé à Angoulême. OKE, édité chez le label 619, écrit et scénarisé par le dessinateur Neyef. Alors c'est un western qui raconte l'histoire de George, un orphelin amérindien de la tribu Lakota, qui est né dans une réserve et qui n'a jamais connu sa culture d'origine. Il a été pris en charge par un pasteur qui en a fait son serviteur personnel. George sait lire, il connaît la Bible par cœur et il rêve de devenir médecin quand il sera grand, même si personne ne lui a dit qu'il allait être très difficile de trouver des patients acceptant de se faire soigner par un indien. George a tout de l'expérience sociologique, c'est un amérindien totalement assimilé et assigné aux tâches subalternes. Pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, George va faire la rencontre d'un trio de hors-la-loi, la bande de Little Knife, un Lakota lui aussi qui a pour ambition de faire payer à l'homme blanc ses massacres, sa colonisation et le vol d'une terre qui était celle des Amérindiens avant leur arrivée. Alors autant dire que Little Knife, il regarde George comme des propres regards de Papa Ndiaye, hein. C'est un traître. Ça sera pour George l'occasion de découvrir ce qu'il est vraiment, un blanc dans un corps de Lakota ou un Lakota qui joue à être blanc. Qu'est-ce qui vous attend plus dans cette histoire, Frédéric ? Ah bah déjà, la beauté des planches. Moi, je veux déménager dans une planche de Neyef. Il y a un travail sur les couleurs, les ombres de la canopée d'une forêt en fin de journée et la représentation des plaines, des montagnes, c'est magnifique. Le découpage des cases, c'est parfait. Neyef, tout seul avec son crayon, il a fait le travail de tout un Sergio Leone avec son équipe. Je croise des fois des gens qui me disent « Oh, mais moi, je sais pas trop lire de bande dessinée, Frédéric. » Eh bah, au cas, c'est une leçon universitaire en accéléré. Mais outre la forme qui est parfaite, c'est le fond qui m'a plu. Ce dont OKE parle vraiment, c'est des identités culturelles et du communautarisme tel qu'il existe aujourd'hui dans toute sa complexité. Est-ce que George, le descendant d'un peuple discriminé, massacré et parqué par l'homme blanc, a, alors qu'un autre destin s'offre à lui, un devoir de mémoire d'une histoire qui n'est pas vraiment la sienne, et donc un devoir de vengeance ? Ou bien doit-il être George, une réinvention totale voulue par un système colonial ? Voilà une question que tout descendant d'immigrés s'est posée au moins une fois dans sa vie. Moi, par exemple, quand je vois le non-lieu prononcé dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, ce pesticide qui a empoisonné les terres et la population, eh ben j'ai envie de tout cramer. Mais très vite, si je la ramène, on va me dire « T'es gentil Frédéric, t'as grandi en Lorraine, tu bosses à France Inter et t'es pas vraiment noir. » Ce qui est vrai. Mais pourtant, c'est l'histoire de mon père qui est enterré là-bas, de mes tantes, de mes cousins. Eh ben OKE parle de cela. Est-ce qu'en tant que minorité, il est possible d'apprendre à connaître les discriminations qu'a subies son peuple sans prendre la part de colère qui va avec ? On entend souvent « Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ?» Le dessinateur Neyef pose la question suivante « Faut-il séparer la haine de son histoire ?» Et la réponse n'est pas dans la bande dessinée, mais je vous avoue Mathilde qu'elle mérite d'être posée. Et on a tout le week-end pour y réfléchir puisque le 5-7 est terminé. On redonne le titre de la bande dessinée, Frédéric. OKE. Merci beaucoup Frédéric Sigrist et je renvoie nos auditeurs à votre dernier podcast Blockbuster, c'est sur l'attaque des Titans. Hein. Tout à fait.